L'église de Falster. Il y avait autrefois à Falster, en Danemark, une femme très riche qui, n'ayant ni fils ni fille, ni neveu ni nièce, résolut d'employer son riche héritage à une œuvre pieuse. Elle fit bâtir une magnifique église. Quand cet édifice fut achevé, elle alla s'y agenouiller et, joignant les mains, pria Dieu de la faire vivre aussi longtemps que les murailles de ce sanctuaire subsisteraient. La mort frappa autour d'elle. La mort lui enleva successivement tous ses parents, ses amis. Elle vit tomber tous les gens de son âge. Elle vit les enfants grandir, vieillir et mourir. La pauvre femme qui avait fait un vœu si imprudent ne pouvait mourir, mais elle vieillissait lentement, toute seule. Elle vieillissait de telle sorte qu'elle finit par perdre complètement l'usage de ses sens. Elle ne mangeait plus qu'une fois par an, à minuit, à la fête de Noël. Alors, elle se fit mettre dans un cercueil et portée à l'entrée de la nef de son église. Elle est là, toute l'année, immobile et muette. Mais le jour de Noël, elle recouvre la parole. Le prêtre s'approche d'elle, et lentement, péniblement, elle se soulève dans son cercueil, puis elle dit « Mon église subsiste-t-elle encore ?»« Oui. » répond le prêtre. « Hélas !» murmure-t-elle. Puis elle retombe en gémissant dans sa couche funèbre.